Voici que la lune ouverte se balance en des voiles d'or fluides et légers. Elle semble proche et cependant lointaine. Son visage sous les noirs orangés. Nul bruit, si ce n'est le faible bruit de l'onde, fuyant goutte à goutte au bord des vasques rondes, où le bleu frisson d'une brise d'été furtive parmi des palmes invisibles. Je sais, ô jardin, vos caresses sensibles et votre languide et chaude volupté. Délectable et morose, vos parfums d'iris, de jasmins et de roses, vos charmes troublés de désirs et d'ennuis, ô jardin muet, l'eau des vasques s'égoutte avec un bruit faible et magique.